heures. Entrez dans l'univers du dance floor. Avec Hubert. Hello tout le monde, soyez les bienvenus dans Electrochic, l'émission qui fait du bien partout. C'est bien sûr sur Galaxy 9530, ou alors vous pouvez aussi nous rejoindre sur le net. Vous tapez www.galaxyfm.com et comme je vous dis à chaque fois, n'oubliez pas de cliquer sur live. Et puis sachez que ce matin, je ne suis pas seul, puisque nous aurons avec nous et pendant une heure la compagnie de la belle et ravissante Miss Eleana de Monaco. Attention, vous êtes prêts à vous faire péter les oreilles? Oui? Bon, bah allez, on y va, c'est parti. Miss Eleana avec Hubert.

Do you like my dirty sound? Do you like my dirty sound? Do you like my freaking Disco. Disco. I'm here once again. We'll be right back. We'll be right back. Ça décoiffe, hein, je vous avais prévenu, c'était Miss Eleana depuis 8h ce matin. Je vous rappelle d'ailleurs qu'elle est DJ résidente au Blue Jean à Monaco. D'ailleurs, si vous passez par là, n'hésitez pas à aller la voir, vous ne serez pas déçus du voyage. C'est Electrochic, c'est sur Galaxy 9530 et la deuxième partie aura lieu dans quelques minutes. À tout à l'heure. C'est David Vendetta, Electrochic, c'est l'émission qui fait du bien partout. On vous balance tout de suite la deuxième partie. Entrez dans l'univers du Dancefloor. 8h-10h. Galaxy. Hey boy, I know what I want from that DJ. To spin the vibe, the message, the love, so you. I gotta get on the move. like a slide and gave up all my pride. You made me turn into something I never did think I could be. I put my hopes in you, some faith in too, but this I could not foresee. Galaxy, the one and only dance station. Thank you. commercial free. This is Galaxy. Sur Galaxy. musical trip with me through love, happiness, music, and party time. Galaxy. Galaxy. Don't stop. Stop. Music. Thank you.

Music at night. Music at night. écoutez Galaxy sur 9530 ou peut-être sur www.galaxyfm.com. Electrochic, c'est terminé pour aujourd'hui. Nouveau rendez-vous bien sûr la semaine prochaine entre 8h et 10h. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve aussi en début de soirée entre 18h et 20h pour l'Eurotop 40 Galaxy. Ce sont bien sûr les 40 titres les plus diffusés. Et une fois de plus, je ne serai pas seul car Jérémy sera avec moi. Et puisqu'on parle de lui justement, eh bien c'est ce monsieur que vous allez pouvoir retrouver d'ici quelques minutes. Passez un bon week-end et à la semaine prochaine. Salut. Coupé. Galaxy Action.